L'inconnu, par Horace Van Hoffel. Tante Virginie avait une taille de déesse. De longs sourcils arqués donnaient à son visage une expression un peu dédaigneuse. Elle semblait née pour briller dans le cortège d'une reine, pour se promener, danser, faire la révérence sous les arcades et les lustres d'un palais en fête. Mais sa destinée fut plus modeste. À 26 ans, elle épousa Nicolas Baès, fils de Petrus Baès, qui s'était enrichi dans les pompes funèbres. Malgré cette fortune, Nicolas renonça à la profession de ses pères. Il réussit à conquérir le titre d'officier ministériel. Huissier au tribunal de première instance, il tutoyait les avoués et serrait la main aux avocats. Nicolas était de ceux dont on dit « il a fait son chemin ». Tante Virginie et l'oncle Nicolas habitaient près de l'église Saint-André, dans un des plus vieux quartiers d'Anvers. Leur maison était claire et vaste. Lorsqu'on y entrait, on était surpris par la fraîcheur du corridor. Au fond, une porte vitrée s'ouvrait sur les arbres et la fontaine du jardin. Nicolas et Virginie étaient des êtres un peu vulgaires, mais un sentiment rare exaltait leurs âmes. Ces époux s'adoraient. Jamais une inquiétude, un doute, une médisance ne troublaient l'harmonie de leur profonde et tranquille tendresse. Ils avaient 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. À midi, l'heure du principal repas, selon la coutume flamande, la famille Baès se réunissait dans la cuisine autour d'une table ovale. Les commis et les servantes prenaient place à côté de leur patron. Les mets simples fumaient dans les plats. Le pain était servi dans des corbeilles. Au mur, les cuivres étincelaient. Et dans un coin, une lampe de cristal brûlait au pied d'une madone qui découvrait un cœur de sang et d'or tout rayonnant d'amour. Tante Virginie disait le bénédicité. Après, nous mangeons en silence. Le repas terminé, Virginie se levait et allait chercher elle-même la pipe de Nicolas, une belle pipe en écume de mer représentant la tête d'un pacha turc coiffé de son turban. Le dimanche, pendant que les enfants faisaient le tour de la famille pour saluer grand-mère, leurs parrains et leurs marraines, Nicolas et Virginie allaient à la messe, bras dessous, comme au premier temps de leur mariage. Ce jour-là, Nicolas remplaçait sa pipe par un cigare et Virginie achetait des fleurs. Ainsi, l'existence de Nicolas et de Virginie s'écoula lentement. De nombreuses années s'enfuirent toutes pareilles l'une à l'autre avec leurs fêtes familiales et religieuses. À Pâques venait l'allégresse du monde ressuscité et la joie du ciel plein d'oiseaux, d'abeilles et de cloches. La Pentecôte, l'Ascension suivait. Puis la Noël et son mystère et les visites du jour de l'an. C'était une calme traversée avec d'heureuses escales, sans tempête, sans naufrage, dont ils ne redoutaient rien, pas même l'arrivée dans les parages du néant. Se sentant vieillir, Nicolas et Virginie parlaient de leur fin prochaine. Virginie affirmait « Si tu meurs le premier, je viendrai tout de suite te rejoindre. » Nicolas haussait les épaules « Oh, toi, tu bâtis pour vivre au centenaire !» Mais, lors du bombardement d'Anvers par les Allemands, Nicolas eut une telle émotion qu'il expira peu de temps après. On le conduisit au cimetière, dans un char d'or, tiré par 2 chevaux carapassonnés de drap noir jusqu'aux sabots. Ses enfants partagèrent l'héritage et Virginie se mit au lit. On appela le médecin. « Rassurez-vous, dit le docteur, elle n'a rien, c'est la fatigue. Avec un cœur comme le sien, elle en a encore pour 20 ans au moins. Elle parle de mourir. On ne meurt pas comme ça, sans être malade. Ça ne vaut même pas la peine que je revienne. » J'allais voir Virginie. Une béguine la veillait. Virginie ne paraissait nullement accablée. Elle riait et se tenait toute droite, soutenue par une pile de coussins. Ses cheveux blancs étaient tressés en diadème. « Bon, fit-elle, j'accomplis ma tâche. Les enfants sont élevés. Je n'ai plus rien à faire ici. Le monde m'est devenu étranger. » Mais l'oncle Mathieu, le frère de Virginie, va nous rejoindre. Elle le salua. « Bonjour, Mathieu. Que notre Seigneur te protège. » Mathieu l'embrassa sans répondre. Ensuite, il m'attira à l'écart et me dit « Ce qui m'effraie, c'est qu'elle a toujours prédit l'avenir. Lorsqu'elle était jeune fille, elle était si belle et si fière que les gens s'arrêtaient pour l'admirer. Non, vous ne pouvez vous imaginer combien elle était belle. Et la voilà flétrie, maintenant, comme une rose prête à tomber de l'arbuste. » Notre mère lui reprochait son orgueil. Mais elle répliquait « Je deviendrai riche, j'aurai des enfants, et mon mari n'aimera que moi seul. » Cela ne s'est-il pas accompli? Et maintenant, qu'avons-nous à attendre encore? si vous saviez comme cela passe vite. Vraiment, la vie n'est qu'un songe léger et trompeur d'où l'on sort à l'improviste pour mourir. Mais qu'est-ce mourir ? La béguine nous avertit doucement. Chut, elle dort. Nous regardâmes Virginie. Aussitôt, une étrange épouvante s'empara de mon esprit. Virginie n'était plus reconnaissable. Toutes ses rides avaient disparu. L'oncle Mathieu, peut-être, l'avait connue ainsi, mais pour moi, elle était transfigurée. Dans ce lit reposait, non point une vieille femme, mais une fille de 20 ans. Une fille d'une beauté parfaite et hautaine, née pour briller dans le cortège d'une reine, pour se promener, danser, faire la révérence sous les arcades et les lustres d'un palais en fête. « Non, dit l'oncle Mathieu en se signant, elle ne dort pas. Vous pouvez répandre l'eau bénite et préparer les linceuls. Virginie va se réveiller. Virginie va partir. » C'était L'Inconnu par Horace von Hoffel.